opinion tous les jours. Tous les matins, on s'en calisse. Et les opinions, c'est la marre. Va-t'en pas. On a d'autres choses à te parler, Mario. Pierre, on a une question pour toi. On veut savoir si quand tu te lèves tous les matins, qu'est-ce que tu vois? Es-tu une meilleure personne ou c'est tout le temps le même Mario du monde? Ouais, je pense que c'est ouais. C'est la dernière fois qu'on t'avertit.